Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui un film 100% action. Règle numéro 1, on ne pose aucune question. Règle numéro 2, on ne doit en aucun cas ouvrir un colis. Règle numéro 3, si l'on enfreint l'une des deux premières règles, c'est mort. Parce qu'il est le spécialiste incontesté des livraisons à haut risque, Franck Martin se voit contraint, sous la menace, de transporter deux sacs imposants et une jeune Ukrainienne depuis Marseille jusqu'à Odessa. Mon patron dit que vous êtes l'homme qu'il nous faut. Votre patron s'est trompé. Il supporte pas qu'on lui dise non. Il faut une première fois à tout. Vous avez 3 secondes pour changer d'avis. 1, 2. Une condition. Je vous écoute. Je conduis ma voiture. Le bracelet, il y a un truc que je dois savoir? À 7 mètres de la voiture... La lumière jaune s'allume. À 15 mètres, le deuxième liquide s'écoule dans la cavité. À 25 mètres, sa voiture bien-aimée sera sa tombe. Je me demandais quand vous alliez appeler. J'étais occupé. Je trouve pas ça drôle. Vous trouverez ça encore moins drôle quand vous serez mort. Tu n'imagines pas tout ce qu'on peut découvrir sur Internet. Ça te dirait de voir les plans de l'invasion de l'Iran. Le transporteur 3. Jason Statham au meilleur de sa forme dans ce DVD et DVD Blu-ray. Fox Pater repart.